On va commencer avec Frédéric, c'est ça? Oui. Oui, qui va nous parler de la situation de l'islam dans le Caucase. Donc, elle va nous faire une petite présentation de 15-20 minutes et après, on engage le débat autour de cette question. Voilà, merci. Merci. Donc, je vais vous faire une présentation assez brève, mais pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe au Caucase aujourd'hui. Inviter des caucasiens. Oui, il y en a un qui est là. Ah, bon, là comme ça. Oui. Donc, je ne sais pas si le Caucase, ça vous dit encore plus. Si collé, si le Caucase, ça vous dit quelque chose, si vous voyez où c'est ou pas du tout. Enfin, le Caucase, en tout cas, c'est en Russie. C'est dans une région dont on dit, et c'est juste qu'elle est entre l'Europe et l'Asie. Donc ça, c'est important à savoir. Au nord, la Russie. Au sud, l'Iran et la Turquie. Comme mer, on a bordé d'un côté par la mer Caspienne et par l'autre en Caucase du Sud par la mer Noire. Bon voilà, vous avez grossièrement les délimitations du Caucase. Donc c'est une zone qui a été colonisée par la Russie, qui a été convoitée toujours par les Perses, l'Empire ottoman, l'Empire russe, qui a été colonisée depuis la moitié du 19e par la Russie, de manière très sanglante en Tchétchénie, et au Daghestan, et qui donc fait partie, depuis moitié 19e, de l'Empire russe. On peut dire que finalement, pendant la période où elle était colonisée par l'Empire tsariste, au fond, la liberté d'exercer la religion, les coutumes, le droit, etc., était beaucoup plus grande que sous la période soviétique. C'est-à-dire que finalement, ce qui comptait pour l'Empire tsariste, c'était de toucher les impôts, d'avoir des forts militaires pour qu'il n'y ait pas à nouveau des rébellions et que ces régions soient toujours sous son contrôle, mais pour le reste, ils étaient libres. À la période soviétique, évidemment, c'est une autre affaire. Alors, ensuite... Bon, ensuite, quoi, on n'entend pas? Не слышно? Так, хорошо. Ensuite, on va voir qu'un certain nombre des problèmes qui ont lieu aujourd'hui sont liés, d'une part, par la politique tsariste, mais beaucoup plus par la politique de Staline, qui a mené une politique de diviser pour régner en changeant, mais comme tous les colons l'ont fait, les frontières, et que donc un certain nombre de problèmes qui ont surgi après l'éclatement de la Russie en 80, de l'Union soviétique en 91, sont liés à la politique de Staline. On en a encore un tout récemment qui est apparu, c'est celui du Karabakh. Hein, le Karabakh, qui est une enclave arménienne en Azerbaïdjan, peuplée d'Arméniens et qui aujourd'hui réclame à nouveau son indépendance. Bien, donc voilà le tableau général. Attendez. L'histoire de Donbass et de l'Ukraine, c'est la même chose. C'est Khrouchtchev qui donne la Crimée à l'Ukraine, d'où, etc., etc. Donc l'histoire de la Russie est peuplée de ce genre d'épisodes. Donc, aujourd'hui, je ne vais vous parler que du Caucase du Nord, je ne vais vous parler que des musulmans. Je ne vous parlerai pas du Sud, que vous connaissez mieux, c'est-à-dire Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, qui eux sont chiites, sont musulmans. Bien, donc ça, je vous l'ai dit. Il faut savoir, au niveau de l'islam, ce qui caractérise ces zones, en particulier le Daghestan, la Tchétchénie, l'Ingouchie, ce sont des soufis. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le soufisme, ou pas du tout? Non. Bon. Le soufisme, ce sont des confréries spirituelles, donc ce sont des musulmans, hein, ce sont des sunnites, ce sont des confréries spirituelles qui ont un maître, et autour de ce maître se rassemblent des adeptes, qui sont les adeptes du maître, et ils pratiquent un certain nombre de prières ensemble, etc. Quand le pouvoir soviétique est arrivé, il y a eu une interdiction, plus qu'une interdiction, une lutte sanglante contre la religion. On a détruit les mosquées, on a détruit les églises, on a détruit... Ah bon, il y a une politique anti-religieuse. Au Caucase du Nord, la religion a pu survivre en partie grâce au soufisme. Parce que le soufisme était déjà organisé en réseau souterrain. Et comme il était organisé en réseau souterrain, ils ont pu, malgré l'interdiction du pouvoir, continuer à exister. Donc, par rapport à d'autres régions où la religion était complètement évacuée, au Caucase du Nord, dans les régions soufis, ça a pu continuer. L'éradication a été moins violente. Il n'empêche que Ce qu'on peut conclure, je vais très vite, mais après il y aura une discussion, ce qu'on peut conclure de la politique soviétique, c'est que la politique soviétique, c'était éradication des cultures, éradication des langues, éradication de la religion, dans le but de créer un homme nouveau qui était l'homme soviétique. Bon, grosso modo, ça a marché. Même chez ceux qui sont arrivés à garder en partie leur religion, ce qui est frappant quand vous voyagez dans l'ex-Union soviétique, c'est qu'au fond, il y a bien une culture soviétique. Elle existe. C'est-à-dire que vous alliez chez les Tchouktch en pleine Sibérie, que vous alliez en Géorgie, que vous alliez en Asie centrale, que vous alliez en Moldavie, que vous alliez où vous voulez, ils sont soviétiques. Et ils sont encore aujourd'hui soviétiques 20 ans après l'éclatement, parce qu'une culture, ça s'en va pas comme ça. Et qu'ils ont été formés dans une idéologie soviétique. Donc ça, ça a pris racine. Et non seulement ça a pris racine, mais ça existe. Même chez ceux qui veulent être démocrates et compagnie, ils sont soviétiques toujours, parce que le fait d'être soviétique, ça s'en va pas d'un coup de baguette magique. C'est 70 ans d'éducation, d'idéologie, de formation, etc. Bon. Donc, on arrive à la fin de l'URSS en 91. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Effectivement, il y a un renouveau. C'est clair, il y a un renouveau. Les gens veulent revenir à leurs racines culturelles, à leurs racines religieuses. Il y a les conflits territoriaux dont je vous ai parlé, donc le Karabakh, enfin bref, tout ce qui est lié à la politique de Staline et de Khrouchtchev qui avait modifié les frontières et où donc les gens espèrent qu'enfin ils vont retrouver leurs vraies racines. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement... il y a un renouveau religieux qui est général. C'est-à-dire que le renouveau religieux, il est vrai pour les régions musulmanes, où de toute façon on déclare que, et c'est vrai, c'est un peu comme le judaïsme, l'islam, il apparaît tous les jours, il apparaît dans les rites, enfin même pas dans les rites, mais dans la manière de se nourrir, on ne mange pas de porc, il apparaît, évidemment qu'à l'époque soviétique vous aviez du porc dans les cantines, il apparaît éventuellement dans la manière de s'habiller, mais... pas tant que ça, enfin justement, il y a un renouveau un peu comme il y a ici un renouveau chez les gens de la troisième génération, mais a priori, les autres, il n'y a pas un renouveau de ce point de vue-là, sauf que ça fait partie de la culture, quoi, finalement. Pendant 30 ans, on a dit qu'on n'était plus musulmans, et il y a des petits épisodes comme ça très drôles. Moi, j'étais dans un bus à un moment tout au début de la perestroïka, c'était même pas encore, il n'y avait pas eu encore l'éclatement de l'URSS, et il y avait un chauffeur de bus qui dit... aux gens, aux passagers qui devaient descendre, au lieu de leur dire « camarades, descendez », ce qui était la façon normale de s'adresser aux gens, puisque depuis la Révolution, on ne disait plus « monsieur et madame », on disait « camarades ». Et il leur a dit « musulmans, descendez ». Tout le monde a éclaté de rire, parce qu'évidemment, c'était drôle. Enfin, c'était juste parce qu'on changeait d'époque et que tout d'un coup... bon, c'était effectivement très drôle, quoi. Bon. Alors, donc... Après 91, on revient à ses racines. C'est valable non seulement pour l'islam, mais c'est valable pour l'orthodoxie. Il suffit que vous regardiez un peu des émissions sur la Russie aujourd'hui, vous voyez que c'est absolument catastrophique, enfin que le patriarcat a pris une place énorme, que Poutine utilise le patriarche, et que effectivement, il est clair qu'on voit là, comme ailleurs, que la religion est vraiment l'opium du peuple. Quoi. Là, il n'y a pas de problème, l'orthodoxie aussi est vraiment utilisée comme... Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Grosso modo, je ne sais pas où j'en suis de mon temps, mais bon. Comme événement important, vous allez avoir deux guerres en Tchétchénie. Vous en avez une première en 1994, qui va durer de 1994 à 1996. C'est-à-dire au moment où émergent toutes les idées d'indépendance, 1991, la Tchétchénie, déjà depuis un an, voulait être indépendante de la Russie. Et 94, première guerre, c'est-à-dire, enfin première guerre évidemment si on ne parle pas du 19e, la Russie commence une guerre contre la Tchétchénie, une guerre qui va être extrêmement sanglante et à laquelle, ça c'est quand même très intéressant, contre qui l'armée russe va-t-elle se battre ? Elle va se battre contre des généraux et des officiers de l'armée soviétique tchétchène. Par exemple, le chef de l'état-major tchétchène, c'est Aslan Masradov, qui est le chef, enfin un des rares généraux tchétchènes, parce qu'il n'y a pas beaucoup dans les Tchétchènes, on n'avait pas beaucoup qui accédaient à ce grade-là, un général tchétchène qui, bien évidemment, est du côté de l'indépendance. Donc il va se battre contre d'autres généraux soviétiques, russes ou d'ailleurs. Bon, donc ça, c'est intéressant parce que, tout d'un coup, ce Masradov, qui est un laïc, c'est pas du tout un musulman, c'est un soviétique pur jus, bon, bah, évidemment, il se bat pour l'indépendance de son pays. Bon, donc on a une première guerre, 94-96. Cette guerre-là, les Tchétchènes la gagnent. C'est-à-dire qu'en 1996, le général Lebed, le général russe, est obligé de signer un cessez-le-feu et des pourparlers de paix. Mais c'est la Tchétchénie qui a gagné. Sauf que à ce moment-là, la Russie dit, et Lebed l'a dit, je signais d'une main la paix et de l'autre, je pensais déjà à réarmer la Russie pour reprendre une autre guerre plus tard, parce qu'il voulait absolument pas. La Russie ne voulait pas renoncer à la Tchétchénie. Bon, 94-96. Après, commence à venir, avec le moment où les frontières sont beaucoup plus ouvertes, vous avez des allers-retours d'émissaires du Moyen-Orient. Vous avez évidemment des choses qui sont favorisées par la Russie. Par exemple, on ouvre les prisons en Russie. Donc vous avez des criminels tchétchènes qui étaient en prison en Russie, qui reviennent en Tchétchénie, donc des trafics de toutes sortes, d'arogues, de tout ce qu'on veut. Et aussi, ce qui est quand même étonnant pendant cette période agitée, vous avez des avions qui débarquent d'Arabie Saoudite avec des énormes sacs de la Banque d'Arabie Saoudite, pleins de dollars, pour financer la guerre. Et ça, il est clair que ça allait aux islamistes. Parce que après, peu à peu, donc c'était a priori des soufis, mais vous avez des bataillons d'islamistes qui commencent à se former. D'une part, parce qu'on voyage facilement, donc il y en a qui vont en Arabie Saoudite, au Koweït, en Tunisie, etc., à faire des études religieuses et qui reviennent salafis. Et puis, parce que, évidemment, que le pouvoir russe a tout intérêt à ce que ça existe. Donc, d'une certaine façon, il peut favoriser ces allées-venues, etc. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Après, il va se passer qu'on va avoir un conflit entre les soufis, tenants de l'islam populaire traditionnel, et les salafis, qui sont nouveaux et très minoritaires, qui sont des jeunes, en général, et qui, pour deux raisons... D'une part, parce que l'islam soufi est un islam qui a beaucoup de... c'est aussi caucasien, mais l'islam soufi est un islam pacifique, mais c'est un islam où il y a, mais ça c'est aussi très caucasien, on le trouve aussi chez les Géorgiens, il y a le respect des anciens. C'est-à-dire que, normalement, il est clair que, bon d'abord vous n'avez pas spécialement le droit de fumer, mais enfin si vous fumez, vous n'allez pas fumer devant votre grand frère, par exemple. Bon, on ne parle pas du père, mais bon... cette jeune génération d'islamistes, de salafis, pour eux, devenir salafi, c'était aussi une question de génération, retrouver une espèce de liberté par rapport aux soufis qui étaient leurs parents, grands-parents et grands-frères et qui on veut. Et du coup, ils n'avaient pas à devoir se lever dès qu'un ancien entrait dans la pièce, etc. Et donc, à la fois le fait d'être musulman, on pouvait dire d'une certaine façon les dédouaner et rester musulmans, c'était quand même pas une trahison comme s'ils allaient être convertis à je sais pas quelle autre religion, ils étaient musulmans, mais ils gagnaient en liberté. Bon, donc à partir de 98, on a même un affrontement de 2000 personnes, ce qui est quand même beaucoup, entre d'une part des salafis et d'autre part des soufis. Masradov, le chef de l'état-major, est angoissé à l'idée d'un syndrome, d'un conflit de guerre civile à l'Afghan, et ne veut pas utiliser la force, alors qu'il pourrait, puisque c'était le chef de l'armée, contre ces salafis. Donc il ne fait rien. Peu à peu, le salafisme se développe. Bon, 99, Poutine va surfer sur cette aubaine il fomente des attentats en septembre 99 en disant que ce sont les Tchétchènes qui ont fait ces attentats. 400 morts dans la banlieue ouvrière de Moscou. Et évidemment, il se sert de cette action au fait de toutes pièces pour justifier la reprise d'une guerre en Tchétchénie. Évidemment, ça marche très bien puisque les Tchétchènes sont un bouc émissaire. De toute façon, il y a un racisme quand même très grand chez les Russes, en particulier contre les musulmans, mais pas seulement, contre les Africains noirs qui font leurs études en Russie, etc. Bon. Et donc, octobre 99, la guerre reprend. La guerre va être beaucoup plus violente que la première, celle de 94. Il va y avoir des bombardements systématiques. Je pense que vous avez vu quand même si vous êtes jeune, ça ne fait pas si longtemps, des images de Grozny qui ressemblent, on comparait toujours à... aux capitales détruites à la fin de la guerre. Enfin bon, il ne restait plus pierre sur pierre. Les gens sont torturés, enlevés. Enfin bon, des trucs bien plus abominables que pendant la première guerre. Ça commence en 99. Masradov, qui était quand même le chef charismatique, est tué en 2006. Là, il y a d'autres chefs tchétchènes qui apparaissent, dont Basayev, son salafi, qui sont aussi des bons combattants, mais bon. Et finalement... que va-t-il se passer? C'est que donc Poutine a surfé sur la vague. En 2000, il est déjà Premier ministre. Et il va se débrouiller pour être ensuite donc président de la Russie. Il va nommer en Tchétchénie Kadyrov, qui est l'actuel despote à la tête de la Tchétchénie, qui est le fils de son père qui lui a été tué dans un attentat. Donc Kadyrov, Ramzan Kadyrov, qui est très jeune, il a je ne sais plus 32-36 ans, enfin quand on l'a nommé, il n'avait même pas 30 ans, ce qui, selon la constitution tchétchène, il ne pouvait pas être président. Donc on l'a nommé, il était président de fait, mais pas officiellement. C'est un type dont tous les Tchétchènes disent, bon je ne sais pas s'il y en a ici qui veulent témoigner, mais il y a des gens qui viennent de là-bas qui pourraient témoigner s'ils en ont envie, mais s'ils veulent tout à l'heure. En tout cas, tout le monde dit que, oui, que finalement on préférait l'armée russe que les mercenaires à la solde de Kadyrov. Enfin c'est vraiment des choses abominables, c'est un tortionnaire, il paraît qu'il a ses salles de torture, enfin bon bref, tout ce qu'on peut imaginer, il y a un despote à l'oriental, bon... Donc, c'est ce Ramzan Kadyrov qui est à la tête du pays, qui a une fortune colossale, qui normalement devrait partir parce qu'il a eu déjà ses mandats, etc., mais qui sûrement va s'arranger pour rester. Bon. Alors, ensuite, bon, là, la Tchétchénie est évidemment un État sans droit, c'est-à-dire que vous avez sans doute entendu parler de Natalia Estemirova, enfin, il y en a d'autres, de défenseurs des droits de l'homme, de gens de l'organisation Mémorial, comme il y en a en Russie, qui peuvent se faire. Estemirova, elle était avocate, tout simplement défenseur des droits de l'homme. Elle est partie un matin, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années, elle est partie un matin pour prendre son bus et des témoins l'ont vue précipiter dans une voiture et le soir on l'a retrouvée criblée de balles dans une banlieue de Grozny. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des avocats des droits de l'homme, qui sont là-bas, dont les locaux ont été saccagés encore en décembre, qui ont mis leur famille à l'abri dans des pays scandinaves et qui disent « je crois que je ne vais pas continuer, je ne vais pas arriver à tenir comme ça longtemps. Quand je vais en voiture, je passe mon temps à regarder dans mon rétroviseur. » Ils savent très bien qu'ils peuvent se faire abattre d'un moment à l'autre. À Moscou, c'est quand même Moscou, capitale européenne, avec soi-disant des discussions avec des chefs d'État occidentaux. À Moscou, on peut, et pas on peut, on tue dans les rues des avocats des droits de l'homme, gens, soit qui soient hommes d'affaires, pas dans la ligne, comme ce Khodorkovsky, soit un autre à qui on n'a pas donné ses médicaments, un an plus tard il est mort, soit donc des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, vous avez quand même entendu parler, je pense, de Anna Politkovskaya, qui était tout simplement une journaliste qui écrivait et qui essayait de décrire, ce qui était extrêmement courageux, au mieux, ce qui se passait en Tchétchénie. Une première fois, on a essayé de l'empoisonner dans un avion en lui servant un café empoisonné alors qu'elle allait à Beslan pour une prise d'otages fait par des Tchétchènes, effectivement, des salafistes d'enfants. Et la deuxième fois, on ne l'a pas ratée. Elle revenait de faire ses courses un samedi après-midi et elle a été tuée dans le hall de son immeuble. Alors, il y a eu un procès parce qu'ils peuvent difficilement... Elle a été très connue, ne pas en faire. On dit que c'était un Tchétchène. Bon, c'est possible... C'est possible que ça soit un mercenaire tchétchène, ça c'est possible. Mais il est bien évident que ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui a commandité cet assassinat. Ça peut être Kadyrov, parce qu'effectivement, ça le dérangeait qu'on raconte ce qu'on raconte, mais il est bien évident que Poutine n'est pas étranger à ça. Donc, de toute façon, ce qui se passe en Tchétchénie, bon, qui est pire, mais où ce qui se passe en Russie aujourd'hui, est de toute façon de l'ordre, non seulement, enfin je ne sais même pas comment le qualifier, bon, on pourra en parler, mais à la fois les dictatures, de l'absence de droit total. Vous savez qu'aujourd'hui, quand même en Russie, on revient à la période de la guerre froide, enfin, c'est réducteur de dire ça, mais Poutine a voulu essayer, bon ça n'a pas marché, de faire marcher que tout, passer l'idée que toutes les organisations de droits de l'homme, finalement, étaient des organismes, tout à fait ce qu'on utilisait à l'époque soviétique, des organismes de l'étranger, enfin la solde de l'étranger, ou financés par l'étranger. Bon, bien possible qu'il y ait des assos ou je ne sais pas quoi, qui donnent de l'argent pour aider Mémorial et compagnie. Mémorial, au départ, il s'est fondé pour faire le point sur toutes les victimes de Staline. Donc, ils ont été en Sibérie, etc. Bon. Donc, il a essayé de faire ça. Je connais une ONG qui s'occupe des droits de l'homme, et en particulier des réfugiés syriens, érythréens, etc., aujourd'hui à Moscou, m'a dit... on a très peur d'être... on risque de nous fermer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe ici, toutes ces organisations des droits de l'homme gênent le pouvoir. Et donc, dès qu'ils arriveront à trouver une occasion, ils les fermeront. Alors, tuer des gens à chaque coin de rue, quand même, je vais donner des exemples, il y en a beaucoup même à Moscou. En Tchétchénie, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce que, on est loin de Moscou, il y a moins de presse qui couvre les choses... les journalistes, même nous, enfin, si on veut y aller, on y va pour un jour ou deux, on sort immédiatement aussi parce qu'on compromet les gens chez qui on est. Recevoir des étrangers, c'est quand même compromettant. Bon, moi, je travaille sur le Daghestan, qui est la république voisine, mais bon, c'est plus simple, je peux aller y passer un mois ou deux. Mais je veux dire, au niveau de la police et de l'armée, etc., bon, c'est moins terrible que Kadyrov, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ceux qui travaillent sur les droits de l'homme, les journalistes, etc., il y en a aussi qui sont tués. Voilà, alors c'est plus très bien. Je pense que le mieux maintenant, c'est de poser des questions, à mon avis. Merci Frédéric. Donc, attendez, je vais tirer un peu le fil. Comme ça, le micro va pouvoir circuler. Voilà. Et donc, le débat est ouvert à qui veut intervenir. Oui, oui, c'est bon, je t'ai vu. Voilà. Bonjour, j'ai deux questions en une. La première question, c'est pourquoi vous êtes intéressé à la Russie pour ce sujet. La deuxième question, quelle est la différence entre la Russie et la France? C'est large comme question. Bon, alors, la première question, pourquoi j'ai choisi la Russie pour ce sujet, je dirais qu'il faut faire plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, j'ai travaillé d'abord sur la Russie et ensuite sur le Caucase. Donc voilà, j'ai commencé par faire mes études en Russie, aller en Russie, etc. Et ensuite, j'ai travaillé sur le Daghestan, la Tchétchénie, et voilà. Donc la réponse, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, vous voulez dire de quel point de vue la différence entre la Russie et la France ? Vous venez de nous expliquer que c'est difficile en Russie de tuer des gens à tous les coins de rue, mais qu'en Tchétchénie, les Russes peuvent tuer dans tous les coins de rue. Vous nous avez expliqué que les Russes fomentaient des attentats pour se donner le droit d'attaquer la Tchétchène. Et donc vous avez dit que la Russie c'était un pays terroriste et que c'était une dictature et que les droits de l'homme étaient bafoués, ceci, cela. Donc moi je vous pose la question, quelle est la différence entre la Russie et la France ? Pour avoir vécu dans les deux pays, je peux vous dire que c'est quand même pas tout à fait la même chose au niveau droits de l'homme. Malgré que je dis pas... Pardon ? Ah, à la vous parlez de la politique étrangère de la France ? Non. À la France ? Non, je réponds vraiment, je répète. Oui, oui. En Russie, c'est difficile. Non, vous m'avez mal compris. Je dis, on peut tuer à tous les coins de rue en Russie. Non, pas du tout. Mais en Tchétchénie, c'est beaucoup plus possible. Non, je dis, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, en Russie, on a tué Politkovskaya, on a tué Politkovskaya, on a tué des avocats, on tue à tous les coins de rue. Je dis, on tue encore plus en Tchétchénie, mais on tue à tous les coins de rue. Et en Russie, il n'y a ni démocratie, ni et on peut se permettre, la vie de l'homme ne vaut pas grand-chose. Bon. Oui. Oui. C'est combien pouvez-vous énumérer de crimes de la police ou des services secrets russes sur le territoire russe? Et combien vous pouvez donner de crimes de la Russie, de la police russe à l'extérieur? Et en comparaison, combien en France vous pouvez donner de crimes, d'assassinats des services secrets français sur le territoire français? Et combien d'assassinats des services secrets à l'extérieur, c'est-à-dire de l'armée française ou autre, dominance française à l'extérieur? Donc moi, je pense que la Russie est bien pire que moins pire que la France. Pour vous répondre, bon, pour les chiffres français, là, je peux absolument pas vous répondre parce que je les connais pas, tout simplement. Bon, je les connais pas, je dis pas que ça existe pas, bien sûr, mais ça, je peux absolument pas vous donner aucun chiffre. Bon, en ce qui concerne la Russie, je pense qu'il faut distinguer. Quand je dis qu'il y a des morts et des gens qu'on tue à tous les coins de rue en Tchétchénie, ils sont tués aussi bien par la Russie, mais aussi par des Tchétchènes. Ils ne sont pas tués seulement par des Russes. Ils sont tués aussi par tous les despotes, des oligarques, etc., qui sont au pouvoir en Tchétchénie et qui défendent leur propre pouvoir, leur propre fortune, qui sont colossales, qui ont tous des comptes je ne sais où. Bon. Alors maintenant, faire une comparaison, moi je ne peux pas vous faire une comparaison. La seule chose que je sais, c'est que vous avez, d'ailleurs on l'a vu encore dans les papiers de Panama, vous avez énormément d'oligarques qui ont leurs affaires à l'extérieur, etc. C'est tout. Oui, mais bien sûr. Mais là, je peux pas. C'est pas mon sujet, si vous voulez. Moi, je travaille pas là-dessus. Il y avait une personne qui avait demandé. Oui, juste pour préciser, on discute de la Russie. Si, pour parler, par exemple, des questions de la France et de, d'autres pays, des crimes qui peuvent être attribués à tel ou tel ou tel pays, telle ou telle puissance, moi, j'invite les gens à s'inscrire. On peut, par exemple, parler de la France-Afrique, de ces choses-là, mais il est tout à fait possible de... Mais il est tout à fait possible de discuter de cette question pendant une heure, un jour, on fixe quelque chose. Mais là, on essaye de rester à parler de la Russie et puis notamment de l'islam dans le Caucase. Voilà, je passe le micro. Pardon. Oui, Pascal, bonjour. Donc moi, ma question elle porte un petit peu sur... évidemment, aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle réalité de l'Union soviétique, enfin, ce qui s'appelait l'Union soviétique. Moi, je voulais votre avis. Souvent, quand on est sur une tentative d'explication et de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, on a toujours effectivement l'impression qu'il y avait une Russie d'avant, enfin, une organisation de société avec un rapport entre les individus, des choix économiques. Et c'est vrai qu'on peut pas dire que l'Occident a beaucoup porté comme modèle ce système. Je voulais savoir si vous pensez qu'à un moment donné, il n'y a plus qu'un système à continuer à agir, à améliorer pour ne pas revenir en arrière, ou est-ce qu'on peut penser quand même qu'il y a eu une évolution qui, somme toute, a quand même gâché énormément de choses qui étaient très positives et qui aujourd'hui font plutôt reprendre du retard à ces peuples plutôt que de considérer qu'on est toujours dans une marche en avant, si je puis dire. Merci. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, même si on avait beaucoup de choses à critiquer sur la période soviétique. Disons que la période dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, c'est tout simplement celle d'un capitalisme sauvage. C'est tout. Donc, il est clair, même s'il y avait beaucoup de défauts, disons que le seul avantage, moi, que je vois aujourd'hui, c'est que les gens peuvent circuler plus ou moins librement et qu'au moins, les jeunes qui ont Internet ont accès à une autre information, ce qu'ils n'avaient pas du tout à l'époque soviétique. C'était vraiment fermé. Le mur de fer, c'était le mur de fer et c'était fini. Par contre, on est dans un niveau de misère, de pauvreté qui n'a jamais été connue, peut-être à l'époque tsariste, hein, mais en tout cas à l'époque soviétique, même s'ils n'avaient pas des salaires fantastiques, ils avaient tous au moins un salaire minimum, et on ne voyait pas d'abord des vieilles personnes dans la rue en train de mendier pour avoir quelques copecs, ou bien aller s'acheter, enfin c'est quand même hallucinant, des retraités, puisqu'à l'époque soviétique tout le monde travaillait, des retraités allaient s'acheter un œuf ou une pomme de terre. Enfin, ça paraît, on voit bien que là on a atteint des... Et j'ai lu récemment qu'il y a des villes, donc même pas des trucs de campagne, il y a des villes où finalement aujourd'hui on laisse les trucs dans un tel état de délabrement. Il y a toujours eu, on n'avait pas l'eau dans les campagnes, on allait toujours chercher l'eau à la fontaine, etc. Mais dans des villes, n'alimente plus. Alors quand on sait le froid en hiver en Russie, on n'alimente plus le chauffage central et il n'y a plus l'eau. Donc les gens, dans des villes, doivent aller, bon, des petites villes évidemment, pas Moscou et Saint-Pétersbourg qui sont en plus vues des étrangers, on va chercher l'eau, je sais pas, à 10 minutes à pied ou un quart d'heure à pied et c'est pas chauffé. Et on se chauffe à nouveau au chauffage à bois. Donc bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonjour. C'est pas une question, c'est un témoignage. Je sais pas comment on parle. Parler dans le micro. Parle comme dans le micro, c'est un témoignage. Je m'appelle Sophie. J'ai vécu en Russie 2001, 2002, 2003. Et je voulais rebondir sur la notion de démocratie. C'est un vaste sujet, c'est un vaste débat. Mais je sais juste que le quotidien ici que j'ai vécu et que je vis et le quotidien russe, ça n'a absolument rien à voir. J'ai vu des gens embarqués pour la couleur de leur peau. Poignardés pour leur orientation sexuelle, tabassés parce qu'ils étaient juifs, avec venez, je vous assure que c'est absolument pas la même chose. C'est d'une violence extrême et il n'y a aucun recours. Bonjour, donc j'aurais quand même quelques questions et un peu des affirmations. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite qui avait financé la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont ramené, ils ont financé les Tchétchènes. Donc, il y avait des sacs de dollars. Moi, ce que je voudrais affirmer et à la fois demander, c'est que c'est la chose suivante. C'est que déjà, pourquoi la Russie veut s'accaparer ses territoires? C'est la question que je me pose et que je pose à d'autres personnes. Il s'agit d'une guerre de ressources. C'est-à-dire que qu'on parle d'islam. Il s'agit aussi d'une guerre de ressources. On ne va pas aller chercher une terre pour enlever l'identité des gens juste comme ça par plaisir. Non, il s'agit d'une guerre de ressources, aussi d'une guerre aussi par rapport à l'accès à l'Europe, parce que le problème de la Russie, c'est qu'elle se retrouve quand même assez enclavée par rapport à d'autres pays, et que par rapport à ça, ils ont besoin de se rapprocher de la mer Noire, sachant que la Russie a quand même des rapports avec la Syrie depuis toujours. Donc pour favoriser aussi leur échange économique, ils sont obligés de passer par d'autres peuples. Je ne suis pas en train de le justifier, c'est juste une hypothèse que j'émets. Autre chose aussi, j'avais remarqué que vous parlez d'islamistes. Et je ne sais pas, il faudrait que vous précisiez, parce que quand vous parlez d'islamistes, aujourd'hui quand on dit islamiste, directement terrorisme, alors que je pense qu'il fallait peut-être dire musulman, voilà. Et vous parlez aussi du salafisme et du soufisme. Par rapport au salafisme, si l'Arabie Saoudite intervient, c'est-à-dire donne des dollars, etc., c'est aussi pour convertir les gens à une certaine idéologie qui n'a pas forcément à voir avec l'islam. Je ne suis pas musulman, je lis juste un peu. Donc, qui n'a rien à voir avec l'islam, et tout ça, toutes ces guerres qui sont faites, où il y a de la manipulation identitaire par rapport à la religion et autres, a qu'un seul but, au fait, le pouvoir et surtout l'accès à des ressources. Et si ce pays se trouve sur le chemin pour avoir accès à des ressources, ce qui est clair, c'est que la Russie passera sur ce pays. C'est ce que d'autres pays font, et pour moi, personnellement, ce n'est pas étonnant. Ce qui devient normal, par contre, c'est que les peuples se replient sur eux-mêmes, et dans ce repli, ils se cherchent une identité, le « avant c'était mieux », ça rentre dans la religion comme l'islam, ou dans ces régions-là où il y a aussi les orthodoxes, où les gens deviennent de plus en plus religieux, pour justement se retrouver, trouver une sorte de liberté. Mais cette liberté, encore une fois, n'en est pas une, parce qu'ils sont à chaque fois manipulés par des gourous. J'oublie pas. Première chose, oui, les ressources. Alors les ressources, non. En Tchétchénie, il y a effectivement du pétrole. Ce pétrole, il y en a très peu. Il suffit tout juste à leurs besoins. Ils étaient 1 million avant la guerre. Ils sont peut-être maintenant 900 000, mais moins, parce qu'il y a des exilés. Le pétrole n'est pas en quantité telle que ça justifiait d'envahir la Tchétchénie. Le pétrole, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose. Le pétrole qu'il y a sur place suffisait aux besoins des Tchétchènes. Deuxième chose, vous dites qu'ils ont envahi la Tchétchénie parce que c'était un accès vers l'Europe. Il n'y a pas de mer en Tchétchénie. Donc vous disiez ça par rapport à la mer Noire éventuellement, mais là il n'y a pas de mer. C'est un pays qui... c'est un accès vers où ? Il y a la Russie au nord, il n'y a pas... Il est entouré de pays qui sont en ex-Union soviétique, qui ne vont pas du tout vers l'Europe. Mais non, mais là, en tout cas, ils n'ont pas de frontière avec un pays occidental. Bon. Donc, après, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Attendez, non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? Oui. Oui. Ah oui, au terme islamiste. Au terme islamiste. Oui, alors attendez, le terme islamiste. Effectivement, il faut être très précis sur les termes qu'on utilise. Bon, on reviendra après si vous voulez. Mais donc, le terme islamiste. J'ai parlé après du terme salafi, et je préfère utiliser le terme salafi parce que d'abord c'est le terme qu'ils utilisent eux-mêmes. Ils se nomment les salafis, les Russes les appellent wahhabis, ce qu'ils n'aiment pas. Donc je reprends l'autodésignation qui est la désignation de salafi, et je pense que là effectivement il faut distinguer. Vous avez, même si alors après ça demanderait des débats plus fins, enfin plus approfondis, mais vous avez des salafis modérés et vous avez des salafis plus radicaux, j'ai pas eu le temps d'en parler, qui font les attentats, etc. Vous avez plusieurs sortes de salafis. Oui. Pardon ? Oui. Ils font quand même référence. Oui, ça s'éloigne, mais ils font référence à la religion quand même à chaque fois. C'est au nom d'Allah. Oui, mais non. Bah si. Mais justement, c'est toute la question. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre. C'est-à-dire aujourd'hui en Russie, Russie et Caucase, de l'utilisation, de la manipulation de la religion à des fins politiques. Et je pense que c'est exactement la même chose pour le salafisme ou pour l'orthodoxie. C'est une manipulation de la religion à des fins politiques, dans un but politique. Peut-être on peut dire effectivement la religion n'a rien à voir là-dedans, mais il n'empêche qu'on le fait au nom de la religion, même si au fond... On essaye de passer à une autre question. On peut revenir après dessus. Et bonjour, mesdames et messieurs. Je suis un peu curieux. Et c'est grâce à de cette curiosité que je voulais un peu participer sur vos débats un peu. Je me présente, je suis Traoré Falaï. Je suis d'origine malienne, malien, réfugié. C'est en fonction de ça que je suis d'ici. Et s'il s'agit de la politique, je pense que ça, c'est une vieille tradition. S'il s'agit de la politique, c'est une vieille tradition. Et s'il s'agit de la religion aussi, c'est une vieille tradition. Et c'est trop compliqué, la politique, à plus forte raison que la religion. Et parce qu'il y a beaucoup d'états d'esprit et qui est caché, qu'on n'en parle pas et qu'on ne veut pas en parler. Et par contre, ce qui m'intéresse ici, que j'ai envie de connaître un peu... Votre débat, la nuit debout. Non, et en fait, c'est pas pareil pour vous, mais pour moi, je suis un peu curieux de connaître, comme c'est la première fois que je viens d'ici pour participer à ce débat. Donc c'est pour cette raison qui fait que j'aimerais comprendre, comme autant que moi, il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui la vivent à la télé, mais par contre, ils n'ont pas participé à ces débats, à plus forte raison que d'être à côté de vous et de partager avec vous en plus sur vos opinions en plus. Et concernant pour la Russie ou je peux dire le monde même, ce qui se déroule dans le monde, tout le monde le sait, c'est l'injustice qui domine tout. Mais on dit toujours que la vérité finira toujours par triompher, quelles qu'en soient les idéologies que les autres ont dans leur cerveau. La vérité finira toujours par triompher. C'est pour cela que je vous ai en parlé, que la politique, c'est une question vague. Et aussi la religion aussi. Donc, la nuit debout. Et quelle est la cause de cette nuit debout? Vous vous battez pour votre avenir ou vous vous battez pour donner l'avenir des autres personnes? Quand je dis des autres personnes, des politiciens. Les politiciens qui s'en servent des uns et des autres pour leurs intelligences, pour leurs compétences, pour s'en servir de ça, pour s'enrichir, pour s'en servir de ça, pour être à ce que eux, vous pensez que eux, ce qu'ils ont, alors qu'ils n'ont jamais été, ils ne seront jamais être. Donc, ma question est de savoir. Autant que vous êtes jeune, vous vous battez pour votre avenir. Et quelle est la solution maintenant pour que vous pouvez vous battre pour votre avenir, pour avoir une meilleure avenir sur votre vie? C'est ce que j'aimerais un peu savoir sur ces opinions. Je ne sais pas si vous m'avez compris un peu par rapport à ce que je vous en parle. Mais quand même, je suis curieux pour savoir. Ça fait quelques jours que vous êtes d'ici et vous avez pu être interrompu avec la police et fait beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés en plus que vous avez en plus. Mais quel est votre argument tout à fait net pour cette nuit debout et qui vous rendre résistant sur votre combat en plus? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand je dis de beaucoup de gens, ce sont des politiciens et des politiciennes et des gens qui s'en servent en plus de la religion pour imposer vos esprits dans votre esprit pour une simple égoïste de leurs propres intérêts. Donc selon pour moi et pour mieux être le garant même de votre avenir, c'est vous-même, il faudra que vous faites des réflexions. Comment faire pour garantir, comment faire pour relancer dans votre avenir et de faire en sorte que de faire tout possible pour que aucune chose ne peut être à la barrière, à une barrière de votre vie, quoi qu'il se fasse, quels que soient les obstacles que les uns et les autres vont se poser devant vous, il faudra que vous-même vous puissiez montrer votre compétitivité, votre compétence par rapport à ceux ou celles qui cherchent à s'imposer sur votre vie. Je me force de vous en parler, mais je sais la difficulté. Ne me voyez pas devant vous comme ça, mais la difficulté que j'ai à l'intérieur, je sais comment est-ce que j'arrive à digérer ça. Pendant 5 ans, je suis quitté en Libye le 17 mars 2011. Imagine ça. Pendant 5 ans sur le sol européen. Et je ne trouve aucune aide. Mais pourtant, je me bats. Et pourtant, les autorités savent bel et bien que je suis là. Mais une chose est sûre, certaine, battez-vous, quoi qu'il se fasse. Et quoi que les uns et les autres cherchent à vous manipuler, essayez de réfléchir et de comprendre de leurs actes et de leurs paroles en plus. Je crois que je vous remercie pour votre... Je vous remercie. Et nous vous remercions aussi, monsieur. Merci pour ce témoignage. On va essayer de recentrer le débat sur la question de la Russie et de l'islam dans le Caucase. Je vous repasse le micro. Pardon. Je veux juste préciser que parmi nous, il y a ici un Tchétchène qui n'a pas envie d'intervenir, mais si vous avez des questions à lui poser, il est prêt à y répondre et je traduirai. Voilà. Tu as une question ? Alors, on a une autre question. Oui, en fait, je voulais juste essayer de favoriser le recentrage du débat sur effectivement l'usage de l'islam qui est fait dans le Caucase et éventuellement aussi la question de la stratégie russe dans le Caucase. Mon idée, c'est que effectivement, en fait, il faut distinguer la stratégie globale des Russes dans leur étranger caucasien où effectivement il y a des enjeux énergétiques. Et la question de la Tchétchénie qui vient s'insérer dans cette stratégie globale parce qu'effectivement pour les Russes dans les années 90, la perte de la Tchétchénie, enfin pour le pouvoir russe, la perte de la Tchétchénie provisoire posait un problème par rapport à leur contact avec l'étranger proche, géorgien, azerbaïdjanais. Et donc en fait la Tchétchénie n'est pas l'enjeu énergétique ou économique, mais elle est un verrou, même si on ne passe pas par la Tchétchénie, le fait de contrôler le Caucase intérieur à la Fédération de Russie est très important pour pouvoir avoir une influence sur le Caucase de l'étranger proche. Je pense que c'est un peu ça ce qui se dégageait de ce que voulaient dire les gens. Et sur l'usage de la religion, effectivement, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y a un vrai islam ou un faux islam, ou que le salafisme ça n'est pas l'islam, ou que le soufisme ça n'est pas l'islam, ou que l'islam rigide de Al-Azhar ou je ne sais quoi, ce serait pas l'islam ou l'islam. Et il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans, étant donné qu'il n'y a pas de clergé. Et donc chacun fait de l'islam ce qu'il veut, et on ne peut pas dire ce qui est vraiment l'islam et ce qui n'est pas l'islam. Oui, voilà, il y a un usage politique de l'islam, mais on peut faire aussi un usage politique du soufisme. Le soufisme aussi est utilisé à usage politique. Dans tous les cas, il y a du business partout, et dans les soufismes aussi, dans les aouïas sont aussi parfois des organisations économiques qui oublient carrément leur côté caritatif ou leur côté social. Bien sûr, mais le débat, si j'en comprends, porte sur la situation de l'islam dans le Caucase, donc voilà. Bon, je peux finir. Bref, on se croirait dans les années 70, bien que ce ne soit pas du tout la même origine, mais qu'on entendait les gens du Parti communiste parler de la Russie. Je suis désolée, j'étais proche des communistes à un moment, mais bon, bref. Ah, je sais que ce n'est pas pour cette raison, mais bref. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec vous qu'en fait, bon, il y a eu tellement de questions que du coup ça s'est un peu mélangé, mais que, effectivement, pourquoi la Russie ne voulait pas renoncer à la Tchétchénie ? C'est pas pour des raisons économiques, mais bien sûr qu'il y avait des raisons idéologiques, politiques, etc. Très importantes. Si elle renonçait à la Tchétchénie, alors pourquoi la Kabardino-Balkarie, pourquoi la Karachevo-Tcherkessie, pourquoi l'Ossétie, pourquoi la Géorgie, bon, elle l'était de fait, puisque c'était des républiques fédérées, c'était pas autonome, n'allait pas demander leur indépendance. Bien sûr, c'était une question politique. C'était pas forcément une question économique, mais c'était une question politique. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais traduire donc Aslan. Вы скажите просто, что это все то, что сейчас творится. На данный момент мы. Да, не хочу ли по-русски, чтобы вы слышали, что вы говорите. Пожалуйста. Поближе. Пожалуйста. Все, что я, например, понял из выступления, например, сейчас, я сейчас то, что понял из выступления, которое было предыдущий оратор, и вот то, что она сказала, это все к тому, что на данный момент здесь вся Европа, она пользовалась этими плодами демократии, которые были до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня, которые... Все плоды демократии, которые до сих пор пользовались здесь, в Европе, это было с 90-го дня, это было так. Потом, после начала этой войны, и когда, как говорится... Alors, tous les fruits de nos plans de démocratie здесь, tous les fruits de la démocratie en Europe, en France, dont l'Europe, la France, l'Occident, s'est servi, à ничто, все эти плоды демократии? Все эти плоды демократии были добились, мы добились там, а когда мы там при первой войне и при второй войне, когда мы там воевали и когда мы там были. Да. И что? Это все, я имею в виду, это все сейчас, на данный момент, полностью закрыто всей политикой Путина. Хорошо, да. Tous les acquis, si on peut dire, mais pendant les deux guerres, en 94 et en 99, enfin, pendant que nous, on a combattu en Tchétchénie contre les Russes, etc., tout ce qu'on a fait là-bas, au moins on avait un moment où, disons, on exprimait quelque chose, au moins on pouvait exprimer une opposition au pouvoir russe. Alors qu'aujourd'hui, tout ça est carrément fini, barré, c'est terminé. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou intervenir ? Voilà. Oui, voilà. Bonjour. Je voulais vous parler du terrorisme. D'où ça vient, ça ? Oui. D'où ça vient à l'origine ? Al-Qaïda, Sofaria, ça veut dire la base solide qui a été créée par une personne. Voilà, qui a été créée par une personne, un groupe de gens. Et je crois que le terrorisme, c'est pas que les musulmans. Ils ont utilisé la religion la plus moderne pour justement utiliser ce genre de choses. C'est très discriminatoire quand on dit un musulman est un terroriste. Moi, je suis musulman. Je suis pas un terroriste et je suis debout avec vous pour lutter contre ça. Je ne sais pas si vous vous saisissez. C'est-à-dire que, bien sûr... vous voulez parler ? Des terrorismes, bien sûr. Il n'y a pas eu que des musulmans. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire, à commencer par la résistance. Les gens du groupe Manouchian les traitaient de terroristes. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? De la résistance contre les nazis. Donc, celui qui a créé Al-Qaïda, oui. Oui. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas eu le temps. J'avais prévu de vous expliquer un peu d'où ils venaient, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Ce que je veux juste vous dire sur les mouvements qui font des attentats au Caucase, c'est qu'à la différence d'autres endroits, ceux qui font des attentats au Caucase ne s'attaquent qu'à l'armée, à la police et aux hommes d'affaires et éventuellement aux hommes politiques, mais jamais à la population civile. Il peut y avoir évidemment des effets collatéraux et quelqu'un passe par là, reçoit un truc, mais il n'y a pas de bombes sur les marchés, il n'y a jamais eu pour le moment, ni en Tchétchénie ni au Daghestan, d'attentats contre la population civile, et je trouve ça important de le dire, parce que bon, il y avait beaucoup de choses que je voulais dire sur le terrorisme, mais on n'en finit plus. Merci. Moi, je voudrais revenir sur l'intervention de notre camarade qui est en difficulté ici, on peut pas parler, j'aime pas parler de sans-papiers parce qu'on a tous nos papiers d'identité d'où l'on vienne. Et en fait, pourquoi je vous ai posé la question au niveau de la Russie, et pourquoi il a parlé, parce que il y a plein de gens qui espèrent sur Nuit Debout. Il y a plein de gens en France qui attendent de Nuit Debout, non pas qu'ils règlent leurs problèmes, mais qui commencent à parler de leurs problèmes à eux. Il y a plein de gens qui se demandent si Nuit Debout, c'est pour passer à la 6ème République ou pour passer à autre chose. Il y a plein de gens qui attendent de Nuit Debout. Est-ce que on va faire en sorte que les gens sur ce territoire puissent vivre ensemble avant d'aller s'occuper des territoires des autres? Il y a plein de gens qui viennent à Nuit Debout parce qu'ils sont un mal-être de ce qui se passe en leur nom, et un mal-être du terroriste qui vient ici et se demande d'où ça vient. Donc on sait tous d'où vient le terrorisme. Donc on parle là vous nous parlez de la Russie en tant qu'un pays terroriste. On sait que les Américains ont formé Al-Qaïda. Moi je peux vous dire que la France a créé Boko Haram en Côte d'Ivoire. Boko Haram, c'est les mercenaires que la France a créé, a armé, qui vont faire plein de choses. Donc lorsque nous, sur Nuit Debout, on n'est pas capable de passer un mois à faire une France neuve, à faire une France idéale, et à montrer aux gens que la France est le plus beau pays du monde, pour qu'on puisse s'occuper après de la Tchétchénie, et qu'on puisse montrer du doigt la Russie, moi je ne comprends pas le sujet. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de Russes parmi nous pour contredire ou quoi que ce soit. Quelqu'un veut intervenir? Vous voulez répondre? Ouais. Franchement, je pense qu'il faut sortir de la question nationale. Je pense que, justement, on n'est pas des Français qui jugeons des Russes. En Russie, il y a une multiplicité d'opinions. Quand on dit les Russes de manière générique, ça signifie le gouvernement russe uniquement, hein, de la même manière que si on disait les Français en dehors de France. D'accord, pardon. Non. Alors oui, et autre chose, je pense que dans tous les cas, peu importe les traumatismes psychologiques ou physiques qu'on ressent par rapport aux situations actuelles, etc., on est très loin d'un point de vue anthropologique, historique, sociologique, économique, ce que vous voulez, à savoir exactement ce qui s'est passé depuis l'origine d'Al-Qaïda en Afghanistan dans les années 80, et on est très loin de savoir ce qui se passe dans tous les autres sous-groupes, d'où ça vient, qui manipule qui. On le saura peut-être quand on aura les ouvertures d'archives dans 20 ans. Mais voilà. On va bientôt passer au sujet suivant. Voilà. Je répète pour qu'ils comprennent. Alors, rapidement. La question n'est pas de savoir si Al-Qaïda. En fait, tout le monde peut. Si tu te vois les professeurs, tout le monde peut te dire d'où sortent les terroristes. Ça, t'inquiète pas, les réponses, on les a. Surtout ceux qui les subissent. Maintenant, la question, c'est. Nuit Debout, c'est fait pour parler les uns avec les autres. C'est fait pour échanger. N'insulte pas les Russes quand ils ne sont pas là. C'est-à-dire que si tu veux parler de la Russie, si tu veux parler de... Non, mais les Russes ou le gouvernement russe ou n'importe qui. Tu sais, moi, quand je parle de la France qui bombarde, les gens disent, c'est pas nous, c'est la France. Donc, c'est pareil. Donc, il faut que les peuples, ici, se parlent. C'est-à-dire que, comme le monsieur a dit, on n'est pas là pour parler des politiciens. On est là entre peuples, pour parler de peuple à peuple. Donc, maintenant, venir parler, critiquer le gouvernement russe et dire ceci, cela, tant qu'il n'y a pas un russe qui peut dire, oui, mais vous voyez, nous, on défend ça, il y a les Américains qui nous truquent, donc on est obligé d'agir comme ça, parce que de l'autre côté, les Américains, la France et l'Angleterre et Israël, ils veulent nous prendre par là. Et donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, moi, j'invite vraiment à Nuit Debout à ce que les gens, noirs, blancs, se parlent. Français, allemand se parlent, russe, français se parlent, arabe, africain, arabe noir se parlent, arabe français se parlent. On est là pour se parler, mais ne pas parler de l'autre qui n'est pas là. Moi, c'est ce que je pense. Alors, je vais conclure, puisque de toute façon, je crois que le moment est venu pour l'intervenant suivant. Ce que je veux juste dire, c'est, premièrement, de toute façon, je ne vois pas, alors sinon il ne fallait pas que je vienne parler. Je suis anthropologue, mon sujet c'était l'islam au Caucase, je ne peux pas faire autrement que de parler du Caucase et de la Russie parce qu'ils sont liés tous les deux. Alors à ce moment-là, il ne fallait pas prendre mon intervention. Deuxièmement, si ça vous intéresse, je peux vous donner, j'ai fait un film de 45 minutes sur le Daghestan qu'on voit sur un truc qui s'appelle Vimeo, je crois que c'est un truc. Vimeo, vous marquez Daghestan, si ce n'est pas tout à fait sûr, vous venez, je vous donne mon nom de famille, là vous l'aurez tout de suite. parce qu'il paraît qu'on ne donne pas les noms ici, alors je vous donnerai mon nom. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est Vimeo Daghestan qui date d'il y a quelques années. Et là, au moins, vous avez des images. Vous voyez la vie dans les villages au Daghestan. Et il y a un commentaire que je fais sur voilà, ce que je pense de la situation au Daghestan aujourd'hui dans la période post-soviétique. Voilà, merci beaucoup. J'étais ravie d'avoir un public aussi nombreux. Ah, il y a quelqu'un... Une dernière question. S'il vous plaît, essayez de faire un tout petit peu court. Oui, bonjour. Moi, je souscris totalement avec ce que vient de dire le monsieur. Et je souscris totalement à ce qu'il vient de dire. Et puis, moi, je pense que quand on décide de faire des assemblées populaires, quand on décide de réunir des citoyens, le peuple, pour discuter entre eux, s'écouter, se respecter, je pense qu'il faut être dans une démarche de vérité. C'est très, très important. On n'a pas besoin d'experts pour nous dire que telle information est vraie ou fausse. Il y a des choses claires. Le terrorisme, on sait d'où ça vient. C'est pas compliqué. Il y a des informations. Il y a des experts qui ont fait des études, des analyses, des constats. Ils ont été sur place. Ils n'ont pas fait juste de relayer des informations. Il faut juste savoir chercher l'information et avoir la vérité et entrecouper les informations. C'est pas du tout compliqué. Je pense que quand les citoyens se mettent ensemble pour discuter, surtout, il faut mettre des mots sur les tabous, les sujets qu'on n'aime pas trop en débattre. Peu importe si on parle de l'international ou du national, le plus important c'est d'être dans une démarche de vérité et de dire voilà, je travaille pour l'intérêt général et non pas pour mon propre intérêt. Voilà.